une fille très gentille. Hélène est une fille très polie. Hélène. Hélène. Marlène a de jolis cheveux blonds. Marlène a de jolis yeux tout ronds. Marlène a même de jolis sourcils. Quelle épile. Épile. Fabienne a aussi de jolies filles. Fabienne a même un gentil mari. Fabienne, elle fait même de la peinture sur les murs. Je les aime toutes, toutes, toutes. Pas de doute, doute, doute. Je les vois toutes, toutes, toutes sur ma route. Je les aime toutes, toutes, toutes. Pas de doute, doute, doute. Je les vois toutes. Sur ma route. Karine dit que je suis égoïste, que j'ai un sale caractère artiste. Mais si elle savait comme elle m'anime, Karine, c'est ma copine. Delphine, je l'ai connue à midi. Delphine, je l'ai perdue à midi. Delphine était ma petite voisine. Delphine, coquine. Corinne est repartie loin d'ici. Corinne, elle a rejoint son amie. Corinne a choisi une autre vie. Dommage. Mariage. Je les aime toutes, toutes, toutes. Pas de doute, doute, doute. Je les vois toutes, toutes, toutes sur ma route. Je les aime toutes, toutes, toutes. Pas de doute, doute, doute. Je les vois toutes, toutes, toutes sur ma route. Hélène, toute, toute, pas de Hélène. Hélène.